Bonjour à tous, mon nom est Éric Vingendaire et il me fait plaisir de vous accueillir au nom de l'École de théologie évangélique de Montréal, ou l'ETEM, puisque l'acronyme nous permet de raccourcir la longueur du mot. Donc, nous sommes contents d'être ici ce matin. Nous sommes contents en particulier parce que nous avons l'honneur d'avoir avec nous M. Gilbert Bélizéquian. C'est la première fois que M. Bélizéquian vient enseigner au Québec. Il a déjà passé ici dans la province, mais de manière assez brève et sans que cela lui donne l'occasion de vraiment prendre conscience de la force numérique de la communauté francophone au Québec. Alors, pour lui, c'est un peu une sorte de découverte que de se rendre compte de la vitalité et de la donc, présence d'une communauté francophone en Amérique du Nord. Alors, nous sommes contents donc de lui permettre de prendre conscience de ce fait et nous espérons aussi que nous aurons l'occasion dans le futur de l'inviter à nouveau pour nous épauler dans le ministère de l'enseignement. Donc, c'est une première visite de M. Bélizéquian, mais nous espérons, Dieu voulant, que ce ne sera pas la dernière. Lorsque nous mentionnons le nom Gilbert Bélizéquian un peu partout en Amérique du Nord, tout de suite, on pense à l'église de Willow Creek. C'est une église maintenant célèbre. Pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu plus familiers avec la scène anglophone nord-américaine, vous le savez, c'est une méga-église. C'est le nom que l'on donne à ces églises énorme en termes numériques. On parle d'au-delà de 17 000 participants le dimanche matin, lors des réunions du dimanche matin. On parle d'au-delà de 2600 petits groupes ou cellules pour une même église. Nous parlons toujours ici non pas d'une dénomination, mais d'une seule église locale. On parle d'une centaine de ministères différents qui s'activent à Willow Creek et qui cherchent à servir non seulement le membership de l'église de Willow Creek, mais c'est ici la particularité peut-être la plus intéressante de ce modèle d'Église, c'est que cette centaine de ministères différents cherchent à servir plutôt la communauté élargie. Et quand on parle de ministère, ici, on va être appelé aujourd'hui à peut-être repenser, revoir notre conception de ce que c'est qu'un ministère. Par exemple, Willow Creek, dans l'Église de Willow Creek, il y a des gens qui servent comme coiffeurs dans la coiffure, d'autres qui servent comme mécaniciens, qui mettent leur talent, talent pratique, au service de l'Église et de la communauté élargie. Et cette mobilisation poussée du membership dans différentes sphères de service permet à l'Église de Willow Creek d'avoir un impact majeur dans la région où elle se trouve. Alors, c'est là l'intérêt pour nous d'avoir M. Bélizéquian, c'est de nous parler davantage de cette conception du ministère qui est élargie, qui est plus large que celle à laquelle nous sommes habitués. Cette mobilisation des membres laïcs de l'Église dans différentes sphères de service. Aussi, cette conception de l'Église comme communauté, une approche non pas organisationnelle, non pas du haut en bas, mais une approche organique, une approche qui, possiblement, va permettre à nos communautés évangéliques ici au Québec de vivre un regain de vie, de passer par une phase de dynamisme nouveau pour qu'on puisse mieux servir le Seigneur, pour qu'on puisse faire progresser le royaume de Dieu ici dans la province. Alors, j'aimerais maintenant inviter, avant que M. Bélizéquian commence à nous enseigner, j'aimerais inviter le pasteur Daniel Marcoux, le pasteur de l'Église baptiste de l'Île-Jésus, à débuter par un mot de prière. Et en passant, j'aimerais remercier M. le pasteur pour nous offrir l'hospitalité, nous accueillir dans ses locaux. Alors, Daniel Marcoux, est-ce qu'il a quitté la pièce? Ah, il est juste là. Merci, Daniel. Aussitôt que Daniel aura terminé la prière, M. Bélizéquian va venir et commencer son enseignement. Merci, Éric. Bienvenue chez nous. Et c'est ma prière que nos facilités puissent être l'occasion de que ça soit une facilité de mieux connaître la pensée de Dieu pour le peuple de Dieu. Bienvenue. Prions ensemble. Éternel Tout-Puissant, c'est à tes pieds qu'on veut se tenir maintenant. On veut que nos cœurs connectent avec ton cœur, que ce que nous entendrons puisse être bien relié avec ce que toi-même tu es et ce que tu dis. Que tu accompagnes M. Bélizéquian, qu'il puisse exprimer très clairement ta pensée. Nous cherchons ta face, ô Éternel. Nous cherchons à communiquer ton nom partout autour de nous, à Laval, Montréal, au Québec et à travers le monde. Et nous te prions, Seigneur, de nous faire la grâce de continuer à nous équiper, à nous transformer à ton image pour parvenir, si tu veux, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Ô Éternel, nous te confions ce temps, qu'il soit baigné par ton esprit, que tu sois glorifié, que nos bouches expriment ta bonté envers nous et que tu sois glorifié tout au long de cette journée. Amen. Bienvenue, M. Bélisiquin. Merci. Bonjour tout le monde. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous et puis d'être ici, de prendre connaissance avec votre région, avec votre peuple et de m'y trouver très à l'aise jusqu'à maintenant. Je veux venir ici non en tant que maître, mais en tant que votre serviteur pour poursuivre ensemble une recherche, une réflexion sur ce qui est à cœur à Dieu par-dessus toute autre chose, c'est-à-dire son Église, l'épouse, qu'il aime d'un amour éternel. Nous allons plonger directement dans le vif du sujet, si vous voulez bien, en vous rappelant que l'Église a tendance à perdre sa propre identité. Elle l'a fait plusieurs fois au courant de son histoire. Elle se retrouve de temps en temps le bec dans l'eau, ne sachant d'où elle vient, ce qu'elle doit faire, où elle va. Inutile de vous rappeler que pendant une période de 1000 ans, l'Église a perdu la mémoire de sa fonction essentielle dans le monde, qui est d'annoncer le salut, de montrer le chemin pour la vie éternelle. Et l'Église a perdu cette notion. Elle est pourtant simple, elle est tout au long de la Bible, mais les savants de l'époque, les chercheurs, les penseurs, allaient de personne en personne, de manuscrit en manuscrit, pour trouver des bribes, des traces qui pourraient les orienter vers la recherche du salut, le moyen d'obtenir le salut. Il n'y a pas longtemps, seulement quelques siècles, que certains se sont penchés sur la parole de Dieu et qu'ils ont découvert que, mais non, le salut, ce n'est pas nous qui le fabriquons, mais qui nous est donné et que tout ce qu'on a à faire, c'est de l'accepter, de le recevoir, de l'incorporer dans sa vie. Et c'est une question de grâce et non pas d'œuvre. Mais pendant 1000 ans ou plus, l'Église a perdu la mémoire de comment être sauvée. Pendant plus longtemps encore que cela, l'Église n'a plus su où trouver la parole de Dieu. Ils sont allés chercher dans les philosophes grecs, ils ont puisé à des sources quelconques pour trouver des bribes de paroles de Dieu. Et encore une fois, ce n'est pas tellement longtemps que certains des fils de l'Église, un peu aventureux, se sont penchés vers la Bible, mais ils ont dit, voilà, là il est question de Dieu a dit. Il est question de l'Éternel parle. Il est question de Jésus qui se présente comme étant la parole de Dieu vivante. Et c'est là qu'est la parole de Dieu. Mais pendant tout ce temps-là, les gens n'avaient... Et encore, ça continue, comme vous le savez bien, dans beaucoup de segments de l'Église, il y a des multitudes qui n'ont pas la notion d'une parole de Dieu claire qui s'adresse à nous dans les Écritures saintes. Et je suis convaincu que de la même manière, l'Église a perdu depuis longtemps le sens de son identité propre en tant que communauté. Si l'Église n'est pas communauté, l'Église n'est qu'une parodie d'Église. Elle n'est qu'une moquerie. Et pourtant, dès le IVe siècle, avec le soi-disant, la soi-disant conversion de l'empereur de l'époque, qui s'appelait Constantin Ier, l'Église s'est institutionnalisée et elle a commencé à perdre le sens de sa propre identité. Mais, Dieu merci, il semble qu'à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il y ait un renouveau, qu'il y ait un mouvement pour recouvrir, retrouver cette identité première de l'Église qui est d'être communauté. Eh bien, dans cette première leçon, c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller dans la Bible et nous allons surtout faire un peu de théologie. J'espère que ça ne va pas vous décourager. Nous allons poser un peu les fondements bibliques et puis ensuite nous verrons comment cela est censé fonctionner dans la deuxième leçon et puis cet après-midi. D'accord ? Vous comprenez ce que je dis ou bien mon français ne vous convient pas ? Ça va ? Je ne sais pas, on ne sait jamais. Je suis né et j'ai grandi à Paris, alors c'est comme ça qu'on parle là-bas. Merci. Bon, alors on y va. D'abord, d'où vient cette notion de communauté? Eh bien, je voudrais vous conduire à ce que la Bible en dit. Pour cela, nous allons aller dès le début de toute chose. Et tout à fait au début, nous allons aller dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. On ne peut pas aller plus loin en tant que début, hein? Alors, Genèse, chapitre 1, verset 1. J'espère que nous avons tous des Bibles. Il y en a une ici, au cas où quelqu'un aurait besoin d'une Bible. Est-ce qu'il y aurait une table où vous êtes complètement démunis de Bible? Chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je crois que cette phrase est la phrase la plus belle dans n'importe lequel des langues humaines. C'est une phrase qui comprend tout, totalement exhaustive. Mais là, Dieu est présenté en tant que générateur, créateur. C'est lui qui est la source de tout ce qui est, dans le domaine spirituel comme dans le domaine matériel. Et dans ce sens, il est le père de la création. Qu'est-ce que c'est d'être père ? D'être père, c'est de faire des bébés. Bon, eh bien, son bébé à Dieu, c'est l'univers. L'univers spirituel et l'univers tel que l'univers concret, tel que nous en faisons l'expérience par les sens. Bon, verset 2. Il est encore question de Dieu au verset 2, mais sous un aspect différent. Voyez, s'il vous plaît, au verset 2, quelle est la désignation de ce Dieu? Comment est-il appelé, là, au verset 2? Il s'agit du même Dieu, mais à un nom différent. C'est l'Esprit, maintenant. Et quelle est sa fonction? Est-ce qu'il crée l'Esprit? Oui, voilà, il plane, il survole la création de Dieu, d'une manière, que sais-je, peut-être protectrice, pour perfectionner, peut-être dans un sens néo-testamentaire pour sanctifier la création de Dieu, mais l'Esprit est là. Passons au troisième verset. Au verset 3, nous trouvons une formule qui est répétée 6 fois, au courant du chapitre 1. Et cette formule va ainsi. Dieu dit et ce qu'il dit fut. Ce qu'il dit arrive. Il suffit à Dieu de prononcer la parole et sa volonté se concrétise par l'effet de cette parole. Ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, devient réalité. Dans cette formule, encore une fois, il s'agit de Dieu, mais de Dieu en tant que parole. C'est-à-dire l'agent actif de Dieu. Nous, chrétiens, nous savons qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, mais encore mieux, la parole n'était pas seulement associée avec Dieu, mais la parole était Dieu, complètement identifiée avec Dieu. Et nous savons que tout ce qui a été créé par l'effet de cette parole, qu'il n'y a rien dans cet univers qui soit présent sans l'intervention de cette parole créatrice. Nous savons qu'éventuellement, lorsque le besoin s'en est présenté, cette parole devint chair, c'est-à-dire humaine, personne humaine, et que cette parole divine s'est présentée parmi les humains, que des gens comme nous l'ont vu, ont constaté sa présence, ont pu l'apprécier, et ils en ont conclu que celui-ci qui était avec eux était en parfaite continuité avec ce qu'ils savaient de Dieu. Mais ils savaient que Dieu était transcendant et lui était là, donc ils l'ont appelé le Fils de Dieu. Ce que je vous suggère ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller loin dans la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3. Et on a déjà découvert que Dieu, dans son essence propre, est communauté. Qu'il est trois personnes en un seul être. Que le Dieu de la Bible est pluralité dans une unité fusionnaire. Et bien sûr, on se demande comment ça peut être. Qu'est-ce qui fait que ces trois personnes sont liées de ce lien essentiel, essentiel dans le sens d'essence? Eh bien, nous savons ce que c'est. La dynamique de cette unité fusionnaire, la Bible nous dit ce que c'est, elle nous dit que Dieu est amour. On ne peut pas mieux faire que ça. Dieu est amour, c'est-à-dire que le lien qui les unit est un lien communautaire, un lien d'ouverture l'un à l'autre, un lien de soumission mutuelle, c'est-à-dire de la recherche du bien commun, la suspension des intérêts personnels pour favoriser cette vie communautaire. Dieu est amour, ce qui veut dire qu'il y a une relation mutuelle du don qui est caractérisée par le don de soi. C'est ça l'amour, c'est le don de soi. Et en effet, la force vitale de ce Dieu, c'est de donner, de s'épancher, d'atteindre en dehors, aussi bien qu'il y a ce lien à l'intérieur de la divinité. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre la création. La création n'est pas un caprice divin, comme si Dieu s'embêtait pendant l'éternité et puis il se dit, bon, ben, on va s'amuser un peu, on va créer des humains. Vous parlez d'un amusement. Je crois qu'il faut plutôt penser que la création ne découle pas de la volonté de Dieu comme de ce que Dieu est. Il est amour, donc il donne. Il donne à l'échelle de l'infini. Mais c'est très bien de créer des galaxies et puis des systèmes solaires et puis des planètes comme la nôtre. Mais quel est le don suprême lorsqu'on est mu par l'amour? Quel est le don suprême? Eh bien, c'est le don de soi. Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu? Il ne peut pas. Ça, c'est une chose qu'il ne peut pas faire parce que Dieu est absolu. L'absolu ne peut pas créer un autre absolu. C'est absurde. Si l'absolu est absolu, il reste absolu. Mais Dieu peut créer son image, qui est le don le plus élevé qu'il peut faire, en effet. En effet, voyez à la délibération à l'intérieur de l'être divin, au verset 26. Nous sommes toujours au chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme, ou l'être humain, faisons l'homme à notre image. Vous remarquez le pluriel ici. Il ne dit pas je vais faire, il dit nous faisons. Je sais qu'il y a plusieurs explications pour ce pluriel, mais celle qui me semble la plus naturelle, c'est que la définition trinitaire de Dieu est ce qui entre en compte ici. Faisons l'homme à notre image. Et c'est là la culmination de l'œuvre créatrice de Dieu. Il ne peut pas aller plus haut, il ne peut pas aller plus loin. C'est ce qu'il donne de mieux qu'il peut donner. Et l'histoire de la création de son image nous est racontée au chapitre 2. Au chapitre 2, où au verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il en fit un être vivant et Dieu le plaça dans cet environnement idéal où tout est bon. Ce que Dieu a créé est bon. Et l'homme, ici, est créé avec le souffle de Dieu, il est bon. Donc voilà l'image. Elle est là. Et pourtant, l'histoire se poursuit et il nous est dit que Dieu visite le jardin où se trouve l'homme. Et il voit la création qu'il a produite, cette image. Mais il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il prend son gros crayon rouge, et puis une rature et une autre, il dit, c'est pas bon. Il se donne une note, 0. Pourquoi? Verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, étant seul, il n'est pas encore à l'image de Dieu, parce que Dieu est pluralité. Solution. Je lui ferai une aide semblable à lui. Solution à ce problème, le problème étant que l'homme étant seul n'est pas en communauté, donc ne correspond pas à l'image divine, à la réalité céleste de la communauté. Donc, solution, on va lui faire une aide pour ce besoin qui est spécifié. Le mot aide m'intéresse ici parce que ce mot aide a été extrait de ce passage, de ce contexte. et on lui a donné une application tout à fait différente, très souvent. Comme si Dieu voyait ce pauvre Adam se donner de la peine dans ce jardin, il est en train de se décarcasser, il arrive le soir dans sa hutte, il n'en peut plus, il se traîne jusqu'à son grabat et puis il s'affale, et puis il pleure, le pauvre, il est seul, personne pour le consoler. Alors il lui faut une petite assistante, il faut une petite deuxième main, un petit laquais, une domestique qui viendrait là et puis lui apporter l'aide dans le sens de notre langue, l'aide dont il a besoin. Il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit de ce que l'homme n'est pas communauté et il a besoin d'un secours. C'est un SOS qui est prononcé là, en faveur de l'homme, afin qu'il devienne ce que Dieu avait prévu qu'il serait, qu'il serait deux, lorsqu'il y aurait pluralité. Et ce mot « aide », ici en hébreu, est utilisé presque 20 fois dans l'Ancien Testament, et presque à chaque fois, ce mot est utilisé pour désigner Dieu, pas une personne subalterne, mais Dieu qui vient à notre aide d'une position de force, nous qui sommes dans le besoin. Donc je crois qu'il faut faire attention à la manière dont on utilise cette notion ici, afin de ne pas faire violence à la Bible. Ça, j'ai l'air de faire du féminisme là, non? Je veux dire, vous allez vous demander deux, trois fois au cours de la journée si c'est ce que je suis en train de faire. Je voudrais clarifier les choses dès le début. Le féminisme, c'est la poursuite, c'est la recherche de l'égalité dans les droits et dans le pouvoir. Or, ce que la Bible préconise pour les relations communautaires, c'est exactement le contraire. C'est la soumission réciproque. C'est le service mutuel. C'est le don de soi pour l'autre. Pardon? Maintenant, c'est 100, je ne sais pas comment vous faites, 100%? Attendez, on n'y est pas encore. Attends, là 50%, parce que on n'y est pas encore. Alors, on y va, là. Chapitre 2, regardez. Alors, Dieu, qui savait ce qu'il faisait, ce qu'il allait faire, de un, il tire une autre, et puis il les met ensemble, verset 24, et il nous est dit que l'homme s'attachera, quittera son père et sa mère, et voilà la phrase ici, s'attachera à sa femme, et ils deviendront, quoi? Une seule chair. Oui, l'unité fusionnaire qui est créée ici sur le plan humain et qui est le reflet de ce que Dieu est. Il y a pluralité au ciel dans l'unité et maintenant il y a pluralité sur terre dans l'unité. Voilà, c'est là. Alors nous sommes à 100%. Dieu mérite sa note. Bon, nous sommes sur la page 5 de vos notes, là. Normalement, ça devrait être la fin de l'histoire, là, ce que nous venons de dire. Ça devrait être la fin de la Bible. Hein? Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait quoi que ce soit de plus ajouté à la Bible. La Bible aurait dû être un livre très court, Genèse chapitre 1, chapitre 2, et c'est tout. Fin. Le reste, c'est du superflu. Mais hélas, il faut y faire face, parce que c'est là. Et nous savons ce qui s'est passé après. Ça a été l'éclatement de cette communauté que Dieu avait créée à son image. L'effondrement de cette communauté. Et comment ça s'est passé? Eh bien, parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient communauté. Regardez ce qui se passe au verset 6. C'est la femme qui fait face au tentateur. Et son mari était auprès d'elle. Vous voyez là au verset 6, chapitre 3, verset 6? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fichait? Qu'est-ce qu'il faisait là? Il est absolument passif, silencieux. C'est elle qui entreprend l'engagement avec le malin. Et la seule chose qu'il fait, c'est lorsque elle a mangé du fruit, c'est d'en prendre et d'en manger aussi. Mais elle est seule à confronter le malin. Et pourtant, c'est lui qui avait reçu le commandement de ne pas y toucher au fruit de cet arbre. C'est lui qui savait, qui avait l'expérience de Dieu lui parlant. Elle n'était même pas là. Me connaissant moi-même, je crois que je peux deviner un peu ce qui se passe avec Adam. Dieu avait dit, le moment où vous allez en manger de ce fruit, vous mourrez. Bon, eh bien, la créature n'est jamais satisfaite des créatures parce qu'elle n'est qu'image. Et l'image aspire à être la réalité. Et si elle ne peut pas devenir la réalité, au moins d'usurper les droits divins. C'est ça le sens de l'arbre. L'arbre, ce n'était pas un caprice, l'arbre, c'était une protection pour les humains. C'était une manière à Dieu de dire, pour rester ce que vous avez été créé pour être, pour rester cela, il faut que vous reconnaissiez que vous êtes seulement créature et que vous êtes soumis, dépendant de celui qui vous a créé. Mais ils ont fait exactement ce que nous faisons chaque fois que nous péchons. Ils ont usurpé la souveraineté de Dieu. Ils ont dit, va te promener, c'est moi qui veux commander ma vie. Je veux être à mes ordres. Je peux me passer de toi. Et il me semble ce que lui faisait à ce moment critique, c'était, il partageait les aspirations de libération d'Ève, mais il n'osait pas. Autrement dit, il se cachait derrière ses jupes. Mais il ne portait pas de jupe, alors je ne sais pas après, derrière quoi il se cachait. Mais il voit qu'elle prend du fruit, qu'elle en mange et qu'elle ne meurt pas. Dieu s'est trompé. Dieu nous a trompés. Il prend du fruit et il en mange lui-même. Et c'est là que le désastre arrive. Et que cette communauté que Dieu avait créée devient saccagée. Ils deviennent comme des étrangers l'un à l'autre, comme deux étrangers dans un parc. en fait, vis-à-vis l'un de l'autre, ils deviennent ennemis. Ils s'accusent l'un l'autre. Et puis, éventuellement, encore pire, il s'établit entre eux un ordre hiérarchique. Et l'un devient maître et l'autre devient sujet. Vous voyez l'éclatement de cette unité fusionnaire qui leur était donnée par Dieu est réduite à l'assujettissement de l'un à l'autre. Et ça, c'est au verset 3, chapitre 3, verset 16, n'est-ce pas? Oui, où le mari dominera sur toi. Et là, c'est le désastre, la calamité qui s'est abattue sur la création de Dieu. Et je suggère que voilà encore un autre endroit où la Bible devrait se terminer. Normalement, ça y est, c'est fichu. Il n'y a plus rien à faire. À la place de Dieu, que feriez-vous? C'était beau, hein? Ça n'a pas réussi. Tant pis, goodbye. Laissez la chose pourrir, se détruire elle-même, disparaître à toujours. Réaction normale. Pas pour Dieu, pourquoi pas? Parce qu'il est amour. Il ne peut pas tout lâcher. Ce n'est pas dans sa nature. Ce qu'il a commencé, il va poursuivre et il établit le programme de réhabilitation, de récupération. Théologiquement, on dit de rédemption. Et ce programme commence au chapitre 12 de ce livre de la Genèse, commence avec l'appel d'Abraham, un homme qui s'appelle Abraham. Pris un peu au hasard, hein? Rien de très particulier avec cet homme. Mais Dieu lui fait des promesses, il lui parle de communauté, il dit « Nous allons rétablir la communauté ensemble, toi et moi, et pour cela, il faut que je te bénisse. » Il lui donne une promesse de bénédiction en tant qu'individu. Donc, la promesse en tant qu'individu. Et Abraham dit « Ça, c'est très beau, mais... » On va l'appeler comme ça, tiens. Il dit, c'est très beau, mais de me bénir à moi, ça n'avance pas grand-chose pour la communauté. Et Dieu dit, ah mais attends, la raison pour laquelle je te bénis, c'est parce que je veux faire de toi une nation. Et je veux bénir cette nation. Ah ben ça c'est mieux, ça ressemble un peu plus à la communauté. Mais une nation parmi d'autres, ça avance à quoi? Alors Dieu dit à Abraham, minute, la raison pour laquelle je veux te bénir cette nation, ce ne sont pas des fins en soi, mais c'est le moyen de bénir quoi? Toutes les familles, c'est-à-dire d'apporter là une bénédiction universelle. L-L-E. donc, c'est ça le but de Dieu. Vous voyez? Rétablir la communauté, toutes les familles de la terre. Sur ces entrefaites, Dieu rend visite à Abraham. Il lui dit, bonjour, comment t'appelles-tu déjà? Abraham. Oh là là, Dieu dit, qu'est-ce que c'est que ça, Abraham? Ça va pas du tout, ça ne colle pas avec ce programme que nous nous sommes établis. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire, Abraham? Ça veut dire père exalté d'une famille, d'une tribu. Père d'une tribu. un nom qui lui allait très mal parce qu'il n'avait pas d'enfant encore. Un âge avancé. Il n'y a pas de tribu, il n'y a rien. Alors Dieu lui dit, c'est au chapitre 17, écoute, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir une grande postérité, et ton nom, dorénavant, sera quoi? Abraham, qui veut dire quoi? Père d'une multitude de nations. Vous voyez encore la promesse de la communauté? Et c'est ça le sens de l'établissement du peuple de l'Ancien Testament. Il y avait là deux intentions dans ce projet divin. La première intention, c'était que cette communauté, c'est-à-dire la nation, devait servir de modèle pour le monde entier, la lumière des nations, servir de modèle de ce que communauté est. C'était là le sens de toutes ces législations que vous avez dans l'Ancien Testament. C'est là le sens du message des prophètes. Le peuple devait représenter devant le monde païen ce que communauté sur terre est au reflet de la communauté céleste. Bon. Mais la deuxième intention pour la création de ce peuple de l'Ancien Testament, c'était éventuellement de servir de berceau dans lequel serait né le Sauveur du monde. Et en effet, malgré toutes les vicissitudes du peuple qui n'a jamais réussi à servir la première intention, ça a été un désastre de ce point de vue, c'est-à-dire de présenter un exemple universel de ce qu'est communauté sur terre. Toutefois, il en est resté assez de ce peuple pour former un petit groupe où est apparu Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, au centre de l'histoire, il y a le recouvrement du projet de Dieu en tant que communauté, établissement de communauté. Pour ça, je voudrais vous conduire à l'Évangile de Jean. À cet événement qui précède la croix qui représente tout le ministère de Jésus, qui le résume d'une manière éclatante, à cet événement qui s'est passé la veille, lorsque Jésus a voulu avoir une dernière expérience de communauté avec ses disciples, donc avec le noyau de la communauté future que nous sommes, et lorsqu'il les a rassemblés dans la chambre haute, et vous vous souvenez des événements de cette soirée, et l'un d'entre eux qui les a marqués le plus, apparemment, parce que nous avons le texte devant nous dans l'Évangile de Jean au chapitre 17, c'est lorsque Jésus s'est levé, il continuait à parler, mais ils se sont aperçus qu'il ne leur parlait pas. Mais